mec a un clou dans la tête. Un lion se balade dans le couloir. Je me lave les mains dans un évier et mon collègue fait sa vaisselle. L'infirmière met mes gants. Les chirurgiens se sont outillés. Je réapparais à droite. Hey, il m'a mordu. Massacre à la tronçonneuse. Y'a le cœur qui bat au rythme. Il a glissé. Le mec aussi. Donne-moi mes outils et un bon cheeseburger. Mon collègue nettoie un œil et le rend à son patient. Y'a mon doigt qui est coupé. Je vais prendre ma grosse perceuse. Je vais viser droit dans le mille. Voyons dans le dictionnaire. Vous êtes ici. Je m'étire. Dévoilons son cerveau. 27e patient. Je prends une feuille pour que tu la signes. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Je sors plein de conneries. Je suis Majax, car je vais sortir un lapin de son ventre. Les lumières sont éteintes, je prends un dollar. Je marche en arrière, ralentis transition. Je m'allonge par terre, je fais des pauses. Bourrant de guet, c'est le couloir. Oh, oh, oh, je tape sur un gars. Plan sexy et bizarre. Je prends mon pied, extrême gros plan, encore plus près. Oh, oh. Un gars en brocard.